déjà plus de ma fille métal pour que je monte et tu t'emballes. Les instrumentaux, ils en ont à l'œil, qu'elles vont penser mes milliers de tâches. Ils n'ont pas l'air de comprendre que mes yeux n'étaient plus à ta tu reviens.